Bonsoir. Ah, Arnaud, bonsoir. Bonsoir, Gérard. On peut écouter Fun Radio sur 101.9. Ouais, exactement. Alors, 35 tonnes, c'est quoi, là, Manu? Ouais, bah, c'est moi. Non, mais tu donnes ton nom correctement, s'il te plaît, parce que moi, je ne vais pas m'amuser à faire 35 tonnes sans arrêt. C'est son, comment tu dis ça? Son QRZ, c'est la QR machin. QRZ. Ouais, voilà. QRZ, ok. Voilà, je suis assidiste et tout. Ok, ouais. Donc on peut écouter Fun Radio à Arras sur 96.9, tu me confirmes bien la fréquence? Ouais, je te confirme, ouais. Ok. Donc, je te copie, normalement. Tout me saoule. Bonsoir, mon amour. Il n'y a pas de ton amour, d'accord, ok. Tu vas pas commencer comme ça, ok? Excuse-moi, Gérard, j'avais une envie et j'ai pas réussi à la contrôler. Ouais, non, mais moi, je te dis tout de suite, je suis pas ton amour, ok? Alors, bon. D'accord. Donc, on peut écouter Fun Radio à Brest sur 98.9. Non. Non, elle est pas là. Elle est pas là ou quoi, elle? Si, ça. Tu me saoules? Ouais. Mais si, elle est là. Bah, si, je suis là, moi, je t'écoute, hein. Bon, alors, on peut écouter Fun Radio sur, à Brest sur 98.9, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Non. Mais si, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Mais si, ça lui fait plaisir. Donc, horloge, oui, 18 ans d'Arcachon, on peut écouter Fun Radio sur 92.fm. Oui, tout à fait. Non. Si. Dégage. Bonsoir, Gérard. Arrête. Hé, on tourne là. Je vais te calmer, Manu, parce que sinon, je vais t'attraper ta tête, je vais te l'éclater. Je vais faire comme dans Opération Cornet de Vif. Tu vois, je vais prendre un pétard, je vais te mettre ta cervelle sur une bagnole. Ok. Alors, t'éteins ton micro et je ne veux plus t'entendre. Ok. Donc, dégage, 21 ans. On peut écouter Fun Radio à Laval sur 102.3. Exactement, Gérard. Pas du tout. Bon, oh, attends, toi, tu sais qui commence, là? Eh, Frigo! On va trouver qui c'est, vas-y. Frigo! Oui, bonsoir, Gérard, big up à tous, pardon. Voilà, ouais, donc on peut... Toulon 93.1. Ouais, je confirme. Ouais, ok. Donc, première question sur les routiers. Que pensez-vous des routiers? Alors, on va demander à Frigo. Ouais, moi, je trouve que c'est une bonne solution, parce que de toute façon, sans les routiers, on pourrait pas manger, c'est clair. Ouais. Donc, il en faut. Eh ouais, mais moi, si je te dis, si on se met en grève, ouais, et qu'on peut plus ralimenter les grandes surfaces, qu'est-ce que tu fais? C'est des emmerdeurs dans ces cas-là. Ah ouais, mais c'est des emmerdeurs, mais attention, c'est leur gagne-pain quand même. Ah ouais, mais faut pas qu'ils se mettent en grève. Ah ouais, mais attends, dans ces cas-là. Non, mais attendez, parce que là, je connais le truc. Ouais. Moi, je peux vous dire une chose. Quand t'as un patron qui dit, bon, ben, faut que tu sois à telle heure là-bas. Bon, ben. Faut que tu respectes quand même le temps de coupure. Mmh. Parce que moi, j'ai vécu l'expérience avec un chauffeur. Là, il y a 15 jours, on était en Allemagne, et il fallait quand même qu'ils respectent ces temps de coupure. Donc, c'est quoi les temps de coupure, Gérard? C'est quoi? Par exemple, tu roules 8 heures, faut que tu t'arrêtes au moins 3 quarts d'heure. Pour pisser. Non, tu t'arrêtes 3 quarts d'heure. Comment? Pendant les 3 quarts d'heure, tu fais quoi? Eh ben, tu te reposes, tu te mets dans ta couchette et tu t'allonges et tu dors. Il foutent rien. Oh, ok. Ah ouais, mais il foutent rien. Bah, attends, Arnette, il foutent rien. C'est horloge. Ouais, ben, horloge, s'ils foutent rien, ben, je suis désolé, ben, ils vont pas risquer leur vie à cause d'un patron. On est bien d'accord. Ouais, mais nous, notre bouffe, elle arrive en retard aussi. Ouais, mais d'accord, votre bouffe, elle arrive en retard. Et froide. Mais de toute manière... Trois quarts d'heure au départ, ça fait 6-7 jours à l'arrivée. Ouais, non. En plus, elle est périmée, en plus, après. Ouais, c'est ça, t'as raison, tu me prends pour un con, toi. Non, tu m'y prendrais pas, tu m'y laisserais. C'est ça? Ok. Alors, attention à toi, horloge. Je m'agenouille. Ouais, mais attention à toi, horloge. Parce que maintenant, tiens, on va demander à dégage. Bah écoute, moi, Gérard, c'est un métier que je respecte tout particulièrement parce que je trouve que c'est un super métier. Mmh. Voilà. D'accord. Alors maintenant, horloge, toi avec ta grande gueule. Oui. Maintenant, tu vas l'ouvrir. Bah écoute, moi je pense que les routiers ils font pas un métier si difficile que ça, faut pas exagérer non plus, quoi. Non mais attends, tu sais combien de temps qu'ils passent sur la route? Non. Ils passent pas loin de... Sur un an par exemple. Sur un an, ils rentrent chez eux à peu près ça dépend des pays où ils vont, mais t'en as les trois quarts, ils sont à peu près 5 jours sur la route. Ça rend. Ça rend. Alors, je vais te dire une chose. Merci beaucoup. Non, mais attention, parce que là, je m'attaque à... c'est moi qui ai décidé de faire ce débat-là. Parce que normalement, on avait prévu la politique et je veux pas leur en faire. Donc, avec Max, on avait décidé de changer. Donc, maintenant, les questions sont pas préparées. Maintenant, ça va être des questions que je vais vous poser. Mais faites-moi confiance. Ouais, parce que d'habitude, quand tu les prépares, tes questions, c'est pas toi qui les poses. Si. Ah bon, d'accord. Non, mais là, il joue gros, là, ça change tout. Là, il joue gros, c'est le tapis. Ouais. Tapis rouge, là. Donc, je peux vous dire, le premier qui va déconner sur ce métier-là, Gérard, Gérard, oui, sur IRC, il y a Chasse qui me dit qu'il aime pas les routiers parce qu'ils sont toujours là pour créer des accidents. Non, mais alors là, par contre, Chasse, moi, je vais te dire une chose, que c'est pas les routiers qui créent les accidents, parce que pour dire une chose, que d'accord, on s'en prend toujours aux routiers, mais pour dire une chose, qu'on est bien content de les trouver, mais les trois quarts du temps, c'est les bagnoles, c'est des nanas, voire même des mecs, ou même des motos, qui s'amusent à faire les cons. Par exemple, moi, je l'ai vu il y a 15 jours, 3 semaines, hein, fais-moi confiance, un mec, sur une pile où que les routiers ne peuvent pas doubler, le mec qui roule à 60, je suis désolé. Hein. Le mec, le routier, il y a des panneaux qui sont interdits pour doubler pour eux, et il ne peut pas doubler, il a beau faire des appels de phare au mec, et ben le mec, il n'en a rien à foutre, à part freiner. Les mecs qui s'amusent à faire ça, pour moi, qui restent chez eux ou qui prennent leur voiture le dimanche ou qui prennent les transports en commun, ça serait mieux. Ça coûte encore moins cher. Ça fera moins de pollution. Ouais, mais le transport en commun sur l'autoroute, c'est pas évident. Ouais, mais attends, maintenant, t'as des tramways. Ouais, mais il y a le météor, puis il y a des tramways à Strasbourg. Nommé Désir. Ouais, non mais t'as des tramways et t'as des bus. Là, il y aura ces bus, tout ça. Non. Ouais, non mais t'as des bus, hein. Donc, tu me saoules. Ouais, bah moi c'est clair. C'est hyper sympa. Ouais. Mais néanmoins, sur l'autoroute, sache qu'il me gonfle, mais puissant, quoi, parce qu'il me bloque à chaque fois. Ah, mais attends, c'est pas toi qui les emmerde aussi? Non, mais quand je te dis ça, c'est qu'ils roulent pas vite, et franchement, ça m'emmerde, ça me fait perdre du... Ouais, mais dans ces cas-là, si tu peux pas les doubler, dans ces cas-là... J'ai rien contre eux, mais simplement, ils me font chier sur la route. Ouais, mais attends, dans ce cas-là, si on vous fait chier sur la route, si les routiers te font chier sur la route, dans ce cas-là, pourquoi tu prends ta bagnole? Dans ce cas-là, tu prends une mobilette et puis tu seras attends, tranquille. Oui, mais Gérard, la route n'appartient pas. Attendez. Sur autoroute, je pense pas que ça se fait, quoi. Hein? Une mobilette sur autoroute, je pense pas que ça se fait. Non, mais attends, sur autoroute, t'as 4 voies. Alors, viens pas me dire à moi que tu peux pas doubler. Parce que là, moi, je vais te dire une chose, que t'as eu ton permis dans une poche de surprise. Ouais, c'est fini, mais ça m'empêche pas de rouler, quoi. Il n'y a pas besoin de permis pour la mobilette, Gérard. Ouais, non, mais peut-être, mais c'est pas... Pas mal, moi, les routiers, je les aime bien, mais ils me font chier, c'est tout. Ouais, ben alors, dans ces cas-là, le jour où tu vas te faire coincer entre deux routiers, hein, et tu verras qu'est-ce que ça va faire. Tu vas sentir bon, déjà. 35 tonnes. 35 tonnes. Ouais. Alors moi je voudrais dire en fait que les routiers je les aime bien quoi. Mm-hmm. Parce que bon comme je suis cibiste et tout, bon des fois on discute ensemble. Et non mais attends, est-ce que t'es routier ou pas? Non, je suis pas routier, je suis cibiste moi, c'est pas pareil. Non mais attends, faut pas qu'on confonde tentacule et encule ta sœur. Exactement, ok. C'est la cibie avec les routiers, je vois pas le rapport. Moi je le vois très bien parce que tous les routiers ils ont une cibie. Non mais attends, moi je te parle que pensez-vous des routiers? Donc, je te demande pas si t'es cibiste ou pas, moi. Je mon raisonnement, tous les routiers ont une cibie, j'ai une cibie, donc j'écoute les routiers, donc on discute ensemble, et donc je dis qu'ils sont sympas, voilà. Ah, ok. Arnett, Internet, pardon. Ouais, il y a... Arnett, tu m'excuses, mais je prends les questions le plus important sur Internet. C'est quoi ce Minitel de NAS, là? Ben, tu l'as dit. Oui. Bon, en attendant, sur IRC, il y a, je sais plus comment il s'appelle, Desmercel qui disait qu'il y a des pistes cyclables, pourquoi il ne ferait pas des pistes camionnables? Ça n'existe pas et je pense pas qu'ils en feront. Et pourquoi ? Non, mais pourquoi ils en feraient pas ? Non, mais il n'y a pas des pourquoi, il n'y a pas des pourquoi et des comment. De toute manière, les accidents, c'est pas les routiers qui les font. Wow. Faut pas dire tout ça que ça soit les routiers. Ah, parce d'accord. que les routiers, en fin de compte, ils sont au volant 24 heures sur 24. Non, hein? 5. Ouais, tu t'affirmes, toi, ok ? Merci. Donc les chauffeurs sont au volant 24 heures sur 24 derrière leur camion et les mecs qui sont en bagnole ils sont même pas 24 heures sur 24 eux ils prennent leur boulot ils prennent leur bagnole pour aller au boulot, ils posent leur bagnole, ils vont bosser et ils en ont rien à foutre de ce qui se passe après, hein. Les routiers c'est leur boulot, c'est leur gagne-pain, ok. Oh là là là là, alors Arnette. Ouais, alors moi j'aime bien les routiers, mais quand même il y a des limites, parce qu'un jour j'ai voulu aller au Euro Disney et à cause d'eux j'ai pas pu puisqu'ils étaient en grève et ils ont bouché l'autoroute. Non, attends, Arnette. Ouais. Arnette, déjà pour aller à Euro Disney, t'as deux possibilités. Tu prends ou l'autoroute ou la nationale. Oui. Alors viens pas me dire qu'ils ont bloqué l'autoroute et la nationale parce que je te dirais t'es un menteur. Bah ouais, mais moi j'ai une voiture, c'est pas pour prendre les transports en commun, donc voilà. Et alors, dans ce cas-là, t'as une voiture, tu peux prendre la nationale. Bah oui, mais c'est plus rapide par l'autoroute, donc je vais pas perdre mon temps non plus. Et alors, bah dans ces cas-là, t'avais ouais. qu'à prendre la nationale. Ouais, mais l'autoroute, ah oui, mais moi je suis routier non plus. Ouais, mais voilà. De manière l'autoroute, voilà. De manière la nationale, elle est pour tout le monde. Elle est aussi bien pour les routiers pour que pour les voitures. Oui, l'autoroute est pareil. Justement, il y a des routiers sur les nationales et sur les autoroutes. Oui. À ton raisonnement de tout à l'heure, pourquoi oui. les routiers ne prennent pas les transports en commun dans ce cas-là? Mais attends, mais les gens, quand ils partent de chez eux pour aller bosser, quand ils y vont comment train, comment tu veux mettre un camion dans un bus? Ah ouais. Ah, c'est vrai. Désolé, les gars. Hein, on peut mettre un camion sur un train. L'histoire du camion sur les trains, ça, c'est une histoire du gouvernement. Je trouve que le gouvernement, il est un peu con. Parce que s'ils vont mettre des camions sur les trains, fais-moi confiance qu'on n'aura plus de routiers en France. Pourquoi pas mettre des trains sur des camions? Et pourquoi pas mettre ta cervelle dans... Mais non, comme ça, t'as fait plus de taf pour les routiers. Bah, abruti, occupe-toi du standard, toi, et éteins ton micro, quoi, c'était déjà dit. Ça vaudra mieux. Ah, je sais pas, moi, je réagirais. Remballe ta caisse, Manu. Je suis dedans. Okay. Donc, deuxième question. Combien coûte un permis VL? Un permis quoi? VPL. Qu'est-ce que c'est? VPL. Je peux expliquer. PL. Hé, je te préviens. C'est quoi ça? C'est le nom d'un vaccin? Bon, alors toi, tu dégages. Bonne nuit à toi. C'est qui? Ça doit être une meuf, mais je sais plus laquelle. Hein. Ah, c'est pas moi. Non, mais là, tu cherches pas. Et hop, tu me verras n'importe laquelle. Vas-y, hop. Donc, un permis PL, je pense que c'est un permis poids lourd. Voilà. Alors, combien ça peut coûter, à votre avis? On va demander à Arnette. D'après moi, ça doit coûter genre dans les 10 ou 20 francs. Comme un paquet stop, quoi. D'accord. Arnette, il sait pas, il dit une proposition. Je propose. Ouais, mais t'as pas de permis de voiture, toi? Bah, si. Mais je l'ai pas payé très cher puisque je l'ai passé aux États-Unis. Ouais, t'as raison, t'as passé ton permis aux États-Unis. Bah oui. Non, mais tu me prends pour un con, quoi. Non, pas du tout. C'est possible, hein. J'ai passé un an d'études aux États-Unis et j'en ai profité pour passer mon permis là-bas puisque c'est moins cher. D'accord. Okay. 35 tonnes. Ouais, bah alors moi, je pense, tu vois, approximativement, je pense que ça doit coûter dans les 1 franc 52 francs. Oh, il est lourd, lui. Bon, alors toi, 35 tonnes. Ouais. 35 tonnes. Ouais, ancien, 1 franc 52 francs. Ancien, c'est le prix. Non, mais attends, c'est le prix d'une communication téléphonique, ok? Ouais. Mais non, ancien, je t'ai dit pas nouveau. Mais attends, l'ancien permis ou le nouveau permis? Non, mais de toute manière, il n'y a pas d'ancien ou de nouveau permis. Non, mais ancien franc, tu comprends? Il n'y a pas d'ancien ou de nouveau permis maintenant. Bah si. Non? Bah si, t'as le permis euro et t'as le permis français. Mais attends, abruti, toi! Quoi? Qu'est-ce qu'il me parle de l'euro? Bah, il y a le permis euro, hein. Ouais, t'es complètement... Si t'as le permis euro, tu peux... La gaffe! D'accord. Là, fume l'avocate. Hein? Ok. Je me saoule. C'est vraiment un peu. Non, tu me saoules. Ouais, tu me saoules là. Donc, on est là, tu vas être vénère quand même. Bon, tu me saoules là. Ouais, bah je sais pas, ça va certainement coûter la peau des fesses, hein, parce que vu le nombre de manifestations qu'ils font. Attends, Je crois que t'es à la plaque aussi, quoi. T'es comme 35 tonnes, vous y allez à la moquette, hein. Hein, tu me saoules. Ah ouais, non, mais moi, quand je t'écoute, je débloque. Ah ouais, ben, fume la moquette, ça vaudra mieux. Horloge. Oui, ben, moi, je pense que le permis, tu l'as, c'est celui qui arrive à boire le plus de bière à la suite. D'accord. Horloge. Ah, parce que les routiers sont alcooliques, quand même. Bon, horloge, c'est terminé pour toi, bonne nuit. Horloge, terminé. Hop, ça y est, il est parti. Non, mais c'est même plus la peine qu'il revienne, hein. Ah, ben, il revient plus, hein. Hop. Pour lui, Arcachon, ben tant pis pour lui. Dégage. Bah moi, franchement, j'ai pas vraiment d'idée, mais je pense quand même que ça doit valoir un tout petit peu plus cher que le permis voiture. C'est-à-dire hein. Bah c'est-à-dire dans les alentours, je sais pas, du permis voiture, quoi. Non mais attends, un permis voiture vaut combien à l'heure actuelle? Bah moi j'ai payé ça 10 000 balles, quoi. Hein? Ah bah oui, avec les cours, excuse-moi. J'ai dû retenir 30 000 balles. On sait derrière. Hein. Attends. Tu dis 10 000 balles? Ouais. Ah ouais, oh ouais. Là, attends, tu déconnes. Ouais, j'ai l'impression, dégage. Dégage. Non, mais attends, dégage. Dégage. Oh, et derrière, vous la fermez. Okay. Merci. Eh, dégage. Déjà. Attends, elle reste là, c'est bon, elle a rien fait. Rien que le prix que tu m'as annoncé. Oui. C'est rien que le prix d'un permis voiture. Et encore, si tu l'as du premier coup, avec les formations qu'ils font... C'est ce que je te dis, Gérard. Tu m'as demandé le prix que j'ai payé pour mon permis voiture. Je t'ai dit 10 000 balles. Ok. Ok. Frigo ? Ouais, je sais pas, je vais dire 100 000 francs hors taxe. Non, je attends. Sais pas du tout. Hé, Frigo ! Oui ? Je pense que tu ferais mieux d'aller voir s'il y a pas quelque chose dans ton camion. Ah, mais j'ai pas de camion, moi, Gérard. Oui. Mais non, c'était pour vous dire qu'on accueillait donc à la place d'horloge, on accueillait Antiroutier. Je crois qu'il a eu un accident, un truc pas possible, un truc pénible. Bonsoir. Il va vous raconter. Bonsoir. Oui, bonsoir. Salut. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Salut à toi. Alors continue. Allez, attends, il a eu un problème avec un routier, donc laisse-le s'en remettre quand même. Non, mais attends, mais tu réponds maintenant, oui, c'est pas la peine qu'il passe, hein. Oui, bonsoir. Allô. Allô. Oui, je vous ai... Allô. Ouais. Oui, bonsoir. Ouais, salut. Ah, je vous écoute. Allô. Non, mais moi, je t'écoute. Allô. Bon, bah, allez, hop. Mais non, mais il est là. Non, attends, mais oh. Eh, je vais pas passer ma... Je dois répondre à la question ou... Bah oui. Bah, je viens d'arriver, donc... Ouais, bah alors, combien coûte un permis PL? C'est-à-dire, c'est du... C'est quoi, c'est du sans-plomb, ça? C'est du... En train de chanter une chanson qui fait bien penser que les routiers quand même sont des alcooliques. Ouais. Parce que moi j'ai eu un accident avec un camion. Ouais. Il y a combien de temps? Il y a un an et demi, un accident. Ouais. Un petit accident mais pas méchant quoi. Mais bon, le routier avait un peu bu. Et vous parlez, vous rigolez depuis tout à l'heure sur les routiers, mais ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de routiers, vous qui roulent beaucoup mais qui ont de l'alcool, qui boivent un peu. Et je pense qu'on n'en parle pas. Et les routiers c'est très dangereux parce qu'un camion c'est très dangereux. Alors. Quand ça double et qu'il est fatigué et qu'il n'a pas dormi depuis 48 heures, parce que vous, vous dites qu'il s'arrête pour dormir, mais ça, il ne s'arrête pas pour dormir, c'est pas vrai. Si. Quand ils sont en retard, ils ne s'arrêtent pas. Ouais, quand ils sont en retard, Non, mais attends. Il accélère. Attendez. Je vais répondre à la question à Fildar. Alors, Fildar, moi, je peux te dire une chose, que si le patron lui dit que tu vas, c'est que c'est le patron, c'est de la faute du patron. Parce que le mec, il risque sa vie aussi. C'est peut-être la faute du patron, mais c'est pas le patron qui va tuer des gens. Non, mais attendez. Là, je suis d'accord avec tous, avec qui c'est qui vient de répondre aussi derrière. C'est anti-routier, là. C'est Frigo. Frigo qui a dit que c'est pas le patron qui va prendre. Oui, ouais, mais d'accord. Mais là-dedans, ouais. C'est pas le patron qui prend. Si, c'est pas Bab. Non. Parce que pour dire... Mais attends, toi, le tronc il a raison. Attends, tu crois que c'est le contribuable qui va redonner une vie aux gens? Mais non, n'importe quoi, mais arrêtez vos conneries là-dessus. Non. Alors moi, je peux vous dire qu'un permis poids lourd. Donc, je vais répondre à... Anti-routier. Non, mais je vais répondre à la nana, là, qui m'a dit... Ça coûte 1000 francs, quoi. Ouais, 1000 balles. Un permis poids lourd, à l'heure actuelle, ça vaut... 4 000 francs. Hein? 4-5 000 francs. Bah ouais, bah voyons. Moi j'ai une question, Gérard. Est-ce que dans le permis poids lourd, il y a le camion qui est compris avec dans le prix? Non. Quand t'achètes le permis, t'as le camion avec, non? Non. En plus, faut que t'achètes le camion. Non, ça dépend d'un. Hein? Moi c'est la remorque en plus. Non mais attends, tout à l'heure je t'achète ta remorque, je t'achète que tu as dégagé. Non mais je me renseigne, c'est tout, je sais pas. Oh non mais moi je te dis que tu as dégagé si tu continues. Pour okay. Écouter, c'est pas votre fort hein, quand même. Hein. Non mais moi je peux dire que un permis à l'heure actuelle coûte plus de 20 000 balles. Gérard. Non. Quoi non? Attends. t'es mieux renseigné que moi? Oui, tout à fait, monsieur. Je me suis renseigné. Ouais. Tout à fait. Je peux vous dire qu'un permis à l'heure actuelle, on voit que ça fait longtemps que vous êtes plus routier. Ah, ouais. Ça vaut plus 20 000 francs, ça vaut au moins 30 ou 40 000 francs. Ouais, ben. Vous étiez peut-être routier. Vous êtes tout à fait le genre de routier des années 80, mais aujourd'hui, on est à l'an 2000. Ouais, mais non, pour l'instant, on est en 1998, ok? Non, mais jouez pas sur les mots. Vous êtes bien routier. Ouais, alors. La troisième question, la CB est-elle un moyen de communication? Oui. Donc, on va s'écouter Gilbert Bisou avec Donne-moi du Sud pour Noël. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du débat. Et ouais, vous nous avez écouté Gilbert Bisou avec Donne-moi du Sud pour Noël. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0800 08 5000 0800 3 08 5000, à moins que le... Non, Manu... Mais écoute, je sais pas, les 24 Crimson, là, c'est la folie, donc il y a des numéros... Ah ouais, mais dans ces cas-là... Les deux numéros doivent marcher, hein. Donc apparemment, ça a l'air de bien fonctionner, donc... C'est super, ce soir, on peut la remercier. C'est magnifique, ouais. Puis, merci à tous. Sur Internet, ça a l'air de bien fonctionner aussi. Sur Minitel, par contre, là, je suis pas content parce que sur Minitel, il y a personne. Pas grave, ça fait deux heures qu'on est là, il a pas fonctionné, donc on va attaquer la troisième question, GG. Il m'énerve, lui. Donc, troisième question, la CB est-elle un moyen de communication? Donc, 2h36 et on est toujours sur le thème du débat des routiers. Donc, on va demander à Arnette. Ouais. Tu peux me répéter la question? Arnette. C'est pas pour t'ennuyer, Gérard, je te jure, Arnette. Oui. Je ne répète plus les questions. Moi, je vais les répéter si tu veux. Merci, Manu, t'es gentil. Alors, vas-y. La CB est-elle un moyen de communication? Alors, je pense que oui. Enfin, oui, c'est sûr, puisque on peut communiquer avec des gens, en fait. D'accord. C'est automatiquement un moyen de communication. Ok. Ok, donc pour toi, la CB, c'est un moyen de communication? Oui. Ok. 35 tonnes. Ouais, bah je dirais un petit peu comme Arnette, quoi, en fait. C'est beaucoup de gens qui... Ouais, non, mais attends, ensemble, 35 tonnes, ouais. faut quand même essayer de chercher. Vous avez eu le temps pendant la pause de réfléchir. Faut pas dire tout de suite, Ouais, mais attends, 35 tonnes, ouais, tu permets. Ouais, mais tout le monde est d'accord avec moi, c'est pour ça, Gérard. Ouais, non, mais attends, Arnette, pour l'instant, tu vas te taire, s'il te plaît. Ah, excuse-moi, je suis pas d'accord, moi. Non mais attends, 35 tonnes. Ouais, je vais répondre. Bon, même les autres là qui sont pas d'accord. Bon alors attends, moi je te dis déjà, la CB à la base, c'est un moyen de communication, tu vois, comme le téléphone. Donc en fait, ça fait partager à plein de gens de l'émotion, quoi, tu vois. Et voilà, c'est un moyen de communication, c'est tout. Ouais, non mais donc tu reprends la question d'Arnette. Bah oui, Arnette, il t'a dit que c'était un moyen de communication. Moi, attendez. Moi je vais vous dire une chose. Là, si tout le monde me répond. Le même truc qu'Arnette, je suis d'accord avec Arnette ou avec toi, 35 tonnes. Moi, je vais vous dire une chose, je vais zapper vite fait les questions. Hein. Ouais, allô, t'es anti-routier, là, allô. Non, tu me saoules. C'est vachement important pour eux. Au moins, quand il y a un contrôle tutu, ben, ils sont prévenus, quoi, parce que sinon... Non, mais attends, parce que j'ai pas entendu ce que tu m'as dit, parce qu'il y en a qui ricanent derrière. Bon, Arnette. Non, c'est anti-routier. Bon alors anti-routier, tu commences à me les gonfler. Sérieusement. Youpi, je t'ai pas laissé parler les hommes jusqu'au bout. Ouais mais attends, moi je fais ce que je veux, d'accord? D'accord. En de bon entendeur, salut. Alors, pour l'instant tu t'écrases. Ça va? Non mais pour l'instant c'est pas demandé quelle heure il était. Ouais bah il est 2 heures. Ouais bah quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras de sous le lit. D'accord. Ok. Alors tu me saoules. Ouais, donc je te disais que pour eux, bah, je trouve que c'est vachement important la CB, parce que quand il y a des contrôles d'alcotest, ils peuvent être prévenus, quoi, et puis ça leur évite de leur faire sauter leur permis. Parce que ouais, c'est ça, mais en même temps, excuse-moi. Non, mais attendez derrière, s'il vous plaît. Ils arrêtent pas de boire. Oui, mais Gérard. Et qui? L'incendie routier. Tu comprends pas que c'est normal, par exemple, qu'avec la CB, justement, qu'elle dit, comme ça permet de les routiers entre eux d'éviter de prévenir l'autre pour que, justement, il y a des contrôles d'alcool. Non, mais attendez, attends, tu es routier. Ça veut dire que un mec qui a bu au volant et on va le prévenir qu'à toute façon il y a des flics, donc on va essayer d'éviter qu'il puisse se faire arrêter, donc il va continuer à conduire avec l'alcool au volant. Ah bah c'est ce que les routiers font, ils continuent. Bah allez, oh. C'est inadmissible. Oh, tu me... oh, anti-routier, tu me saoules s'il vous plaît, vous calmez, mais c'est attends, je. Aussi, hein. Anti-routier, si ça te plaît pas, tu dégages, tu raccroches. Toi, c'était à moi que tu parlais. Hein, anti-routier, si ça te plaît pas. Non, mais tu t'écrases. Non, mais tu t'écrases. Bah, Gérard. Ok. Gérard. Oui. Ouais, c'est frigo, je peux répondre. Non, mais attends, on va demander. Bah, j'ai pas répondu, moi. On va demander à dégage. Bah, bon, écoute, Gérard, moi, je crois que c'est quand même un moyen de communication. Vu le nombre de personnes qui ont la CB, même dans les voitures, moi, je suis tout à fait d'accord parce que c'est quand même un moyen. Pour les routiers de communiquer parce qu'à part leur le camion, je pense qu'ils n'ont rien d'autre. Hein. Donc moi je suis tout à fait d'accord. Manu, tu me dégages anti-routier là parce que merde, on peut même pas discuter. Ouais, il n'y a pas de merde, ok. Ah mais c'est incroyable la vulgarité dans ce débat. Ah bah lui. Oui. Gérard, sur IRC, il y a Dave qui te demande si les kits main libre CB dans un camion, est-ce que c'est dangereux? Kit main libre sur CB, pour l'instant, j'en ai jamais entendu parler. Ça existe aux États-Unis. Ah si, tu viens d'en entendre parler, là. Oh non, mais... ça existe aux États-Unis. Ouais, mais ça, pour l'instant, aux États-Unis... Ah, on me confirme, aux États-Unis, tu peux en fait, tu peux te masturber, conduire et faire de la CB en même temps. Non, voilà. C'est pas ça, non. Non, non, bah, attends, parce que toi, tu te masturbes en conduisant ta voiture et en faisant... Les routiers font que ça, puisqu'ils sont jamais avec leur femme. Alors, attends. Alors là, je vais te dire une chose. Qui c'est qui vient de dire ça? Anti-routier. Alors, je vais te dire une chose. Que tu vois, la question que tu viens de dire... Non, mais c'est pas une question, c'est une affirmation. Oui, non, mais moi, je peux te dire une chose. Ouais. Moi, je vais te répondre à ta question. Pendant que ta femme, elle était au boulot, c'est ça? Oui, non, mais moi, je vais te dire une chose. Attends, je vais te dire une chose. Que tu crois que le routier... On s'en fout de se masturber mais dans leur camion. Non, avec la main libre, avec le système de main libre. Bah attends, tu crois qu'ils ont ils ont des trucs automatiques. Pas tout le temps. Mais par exemple, au lieu de mettre de la CB, il faudrait mieux de mettre l'internet. Ouais. D'ailleurs, j'ai un. Je mets un gros doigt dans le cul. Aussi, pour toi. Là, c'est toi qui balance l'info. Là, t'es bien routier, t'es bien vulgaire. Tu vois, t'es bien routier là. Attendez, s'il vous plaît. Maintenant, j'ai une question internet. Non, c'est pas une question. C'est juste pour dire qu'il y a un certain Yoda sur IRC qui est en direct dans son camion. Bon. Il est actuellement en direction vers Rouen d'ailleurs. Direction de Rouen. Est-ce que Internet, ça vous sert, la CB, ça vous sert pas justement à savoir où est-ce que vous pouvez trouver du carré de vigne à 2h du mat? Allez, dégage-toi. Allez, c'est terminé. Gérard, c'est frigo, je peux répondre. GG. Ouais, frigo. Ouais, donc moi je trouve que c'est un bon moyen de communication, la CB, puis ça permet aux routiers de prévenir quand il y a un accident sur la route, quoi. Ouais, mais ça, de manière, la CB, je pense que y a, moi j'en ai fait, ouais. Je peux vous dire une chose, que la CB... Bon, tu vas te calmer, toi. Ok. Donc moi je peux vous dire une chose, que la CB, c'est un moyen de communication pour savoir où sont les radars et de savoir comment que ça roule. GG. Oui. J'ai une question internet de la part d'Alakin qui me demande si t'as des calendriers de femmes nues dans ta caisse de camion. Alors toi tu dégages. Non, mais il est sur internet en plus. Mais c'est pas lui qui doit dégager, c'est le mec sur internet. Ouais non mais tu lui dis au revoir, on lui répond plus. Gérard. Mais non, il est sur internet. Gérard, excuse-moi, on va accueillir deux personnes. On va accueillir Goldo. Ouais. Et on va accueillir Tam Tam. Salut Gégé, il était temps, comment vas-tu? Salut à tous. Salut jeune. Salut Arnett. Salut Goldo. Salut tout le monde. Salut Goldo. Bonsoir Gérard. Bonsoir, on se calme. Non, c'est Gérard. Bah vas-y, pose ça. Tam-tam, ouais. Bonsoir. Salut Tam-tam. Donc t'as entendu la question, non? Oui. Donc je la répète pour Goldo et Tam-tam. Donc la CB est-elle un moyen de communication en... Pas 50 ans. Tout à fait. Oui. Pour moi, Tam-Tam, c'est un moyen de communication. Ça permet effectivement, lors des accidents, des contrôles radars, de prévenir. Voilà. Ouais, donc, tu reviens à ce que je disais à l'instant. Complètement. Attends, 5 minutes, Tam-Tam. Oui, sur IRC, on me demande si tu connais la mini-CB. Mini-CB, oui, c'est un petit truc de poche. Ouais, c'est un petit truc de poche, un genre de portable. De toute manière, t'en... Si. c'est d'accord. C'est des CB portables. Tu rigoles, Pilda. Mais moi, je réponds. Moi, je vais dire une chose, que la CB portable, tu n'entends même pas la personne que t'as. Ouais. Mais t'es capable. Donc en fait, t'es capable de l'avoir dans la main. Ouais, non, mais c'est comme un téléphone portable, ouais. Mais sauf que t'as les canaux qui s'affichent. Ouais, c'est un peu incroyable, non? La distance du portable, c'est à combien de distance? Sur la CB portable, je pense que c'est à peu près la même distance que le portable. 2 mètres 50. Il paraît que le son est exécrable. Ouais, ben ça dépend de l'antenne qu'on a. Hein. Ça dépend des contribuables. Non, ça dépend de l'antenne qu'on met dessus. Par contre, stop. Là, on va couper parce qu'il est quand même 2h45. Salut à tous, merci en tout cas. C'est qui? Ah, c'est pas fini? Là, tu dis qu'on coupe, alors non. Mais on va abréger sur la question. Maintenant, moi, j'ai une question qui m'est revenue, et il y a un auditeur qui est là, et qui m'a demandé de la poser. Combien coûte pour faire décorer son camion? Oh là là, c'est un reportage. Par exemple, un reportage. Ouais, voilà. Ouais. C'est qui là? Tam Tam, j'ai vu le reportage. Ouais. Arlette, c'est, je l'ai vu. Et c'est hallucinant ce que ça coûte cher. Ouais, à ton avis, mais grosso modo, on va pas s'acharner sur ça. À ton avis, combien que ça peut coûter? Parce que Manu m'a dit qu'il fallait que je réponde en euros, je suis obligé. Non, pas en euros. C'est mieux, c'est la nouvelle norme. Éteins, s'il te plaît, Manu, merci. Sans parler d'euros. En francs français. Ouais. Je dirais 30 000 francs. 30? Ouais. 30 000, qui dit mieux. Donc, pour toi, ça coûterait 30 millions. Avec toutes les guirlandes et tout, à peu près. Non, simplement pour faire décorer l'extérieur, pas l'intérieur. Ah, pardon, je dirais 100 000 francs. Ouais, mais le tout, grosso modo, qui me dit. 100 000 francs, alors, pardon. Avec la peinture, 50 000 francs avec la peinture. Moi, je te fais un prix, Gigi, je te fais un prix, moi. Ok. Ouais. Attendez, Tam, tu me dis 50 000 francs avec la peinture. 50 000 avec la peinture. Ouais. Goldo. Ouais, bah moi je te disais, je te fais un prix si tu veux pour écrire en poissonnerie ou camion poubelle sur un camion, pas de problème, je te fais ça pour... Ouais, bah Goldo, au revoir. Bah pourquoi? Attends, c'est... Bah, essaye de continuer. Non mais continue à voyager. Mais c'est une décoration, j'ai... Non, allez hop, pourquoi? Goldo, non, terminé. C'est qu'il a pas compris, c'est pas les écritures, c'est les peintures, les dessins. Moi je crois que tu parles de publicité, tout ça, poissonnerie, boucherie pour les livraisons, excuse-moi, j'ai pas compris. Mais attends, faut pas qu'on confonde Tu veux dire genre un dessin, genre si t'es dessiné un cow-boy, un indien, un truc comme ça, un paysage? Non, mais n'importe, t'as pas besoin de dessiner ce que tu veux. Bah, qu'est-ce que tu dessinerais, toi, Gigi, si tu pouvais décorer? Non, mais on va demander à Prigo. Ouais, moi je dirais 20 000 francs. 20 000? Ouais. Plus ou moins. Moi je dirais 10 000. Dégage. 30 000. 30 000. J'ai rien fait. Tu me saoules. Ah, ouais. S'il vous plaît, derrière, merci. Tu me saoules aussi, et oh. 383,44. Oh, quel éclat. Dégage-moi ça. Dégage. Bonne nuit. 35 tonnes. Il est lourd, celui-là. 35 tonnes. Il est parti, c'est Goldo à la plage, je te l'ai dit tout à l'heure. Ah bon, 35 tonnes est parti. Alors, Arnett. Ouais, moi, je pense que ça doit coûter aux alentours de 10 000 francs. Grosso modo, c'est dommage que j'ai pas un routier qui pourrait me le confirmer, mais c'est pas grave, je le saurai, puis je vous donnerai le prix réel. Il y en a un sur IRC, il peut te répondre tout de suite si tu lui poses la question. Ben, qu'il me dise. Quoi? Le prix que ça peut y coûter. S'il est sur IRC? Ça dépend ce que tu dis. Non, mais le prix que ça coûte. Un ordinateur, 2 francs. Ou 1500, un truc comme ça. Non. 129 la minute. Non, ça dépend si tu prends le clavier ou pas. Il est sur la route, ça met un peu de temps à répondre. Il me dit 50 000 euros. Je pense que de toute manière, tout le monde a regardé le reportage de la semaine dernière. Ouais. Je pense. Tu l'as pas vu? Combien, Gérard? Moi, je peux vous dire que ça coûte plus de 10 000 balles, Gérard. À peu près, oui. C'est ça, pour 10 000 francs, à peu près. Attendez. Pour nous renseigner, on a Marcel, un routier, là, qui nous a appelé. Marcel, salut. Oui, bonsoir. Salut, Marcel. Salut, Marcel. Moi, j'ai fait décorer mon camion, là, justement, ça tombe vachement bien, là. Et là, j'ai la facture sous le nez. J'en ai eu pour 25 367 francs achetés. Avec la TVA ou pas? Non, mais attends, Marcel. Oui. Non, mais attendez, les autres, s'il vous plaît, derrière. Vous me laissez parler. Oh! Avec ou sans TVA? Oh! Avec ou sans TVA, toi, tu as fermé pour l'instant. Je vais discuter un peu avec Marcel. Ouais. Bon, toi Marcel, tu me dis 25 367 francs HUT. HUT, donc hors taxe. Ouais. Ok. Mais tapez l'extérieur ou l'intérieur de ta cabine? La totale. Donc, t'as le volant avec... attends. Il y a le volant. Tu me calmes, ce petit Reagan, comme une bécasse, parce que ça m'énerve. C'est-à-dire que t'as mis la photo de ta femme sur le, j'ai le volant tout, j'ai un volant, le bon. Vitesse... Fildar, attendez, s'il vous plaît. Fildar, tu me coupes tout le monde, sauf... Je peux pas, moi, d'ici. C'est moi, je vais le faire. Tu me laisses le dernier, là. Marcel. Ouais. Donc, pour toi, Marcel, ça t'a coûté 25 367 francs, quand même. 25 300. Acheter. Attends, Marcel. Oui, Gérard, oui. Sur IRC, donc, il y a Ziwi qui te demande ce que tu préfères comme décoration sur un camion. Alors là, ça, c'est une très bonne question, donc... La photo de Jacques Brel. Toi, tu fermes ta gueule. Ça dépend du routier. Bon, toi, tu te la fermes aussi. Marcel. Donc, moi, personnellement, dessus, j'aurais bien vu, mais je sais pas si ça existe. Clo-Clo? Non, j'aurais bien vu un... Ricky Martins? Non, un truc carrément avec... Un TV président. Oh là là là là là là. Vas-y Gérard, vas-y, t'en occupes pas. Donc, moi, je réponds, donc c'est un truc avec carrément la Formule 1 dessus. Non, mais peut-être c'est un truc blaireau. Ah, mais faut dire une chose. Tu peux faire ça en un poste, comme ça, donc tu mets Senna, tu mets juste des briques. Ouais, c'est ça. Alors, bonne nuit à toi. Ok, donc, qui c'est qu'on avait? Marcel, ouais. Ouais. Donc, mais t'as fait que l'extérieur, toi, pour toi. Ah non, la totale. Donc, intérieur et extérieur. Inflable, comme tout routier qui se respecte. Hein. Et puis, un petit frigo pour mettre les bières. Ah oui, ça, le frigo, de toute manière, tu peux le mettre à l'extérieur. Ah. Oui. C'est un dame, quand tu dis que tu as repeint ton truc en Formule 1, parce que tu as l'impression d'aller plus vite ou pas, ou c'est juste pour un hommage? Non, mais ça, maintenant, tu peux mettre n'importe quoi. C'est pour un hommage? Non, mais je veux pas rendre hommage à Ayrton Senna ou Formule autre. 1, je parle de la Formule 1 générale. Non mais moi je te dis tu peux très bien décorer ta cabine avec un truc de Formule 1. Si t'as pas l'argent pour faire. Si t'as pas l'argent, dans ce cas-là tu le fais pas. Si tu fais des sur ton camion, tu pourrais très bien marquer vroom. Quoi? Vroom. Bah ouais, vroom, ça veut dire quoi? Bah pour aller vite. Bah ouais, mais non, je suis pas d'accord. Non. Oui. Moi, je veux bien te refaire ton intérieur, il n'y a pas de problème. Bon, toi, tu t'affermes. Bon, de toute manière, on s'écoute dernier disque. Ah, tu vas peut-être poser une question, il y a encore des questions. La dernière, c'est... Les routiers sur la route. Comment? Est-ce que les routiers, quand vous faites la nuit, quand vous roulez la nuit, vous êtes obligé de vous arrêter sur l'autoroute, c'est sur les aires d'autoroute la nuit? Est-ce qu'on est obligé pour voir des putes dans les camionnettes? Dans les camionnettes. Oh là là, il va dégager. Alors, toi, tu vas dégager tout de suite. C'est pas le thème du débat, tu vois. Si, routier. Ah bah, Gérard, sur IRC, Yoda, qui est dans son camion, il me dit qu'il en a vu une tout à l'heure. Oh, mais ça, sur le tour. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Alors, la dernière question, c'est... Il n'a pas préparé son débat. Si, il a trouvé. Attends, tu connais pas Gérard, toi? Non. Non, au hasard, qui c'est qui a une vite fait, allez. Ouais, allez, pourquoi les routiers sont trop cons? Non. Alors toi, tu dégages. Pourquoi les routiers n'ont pas de cuit? Putain, routier, y a-t-il une différence? Non. Gérard, tu l'as fait. La question. Il y en avait une bien, là. Stop! Merci! Ouais. Alors, Malkadian qui demande si... Ah bah c'est trop tard, je l'ai raté. Ça défile et j'ai pas eu le temps de le voir. Est-ce que les routiers peuvent devenir des stars? Que font les routiers partant de verglas? Non. Est-ce que les routiers peuvent devenir des stars? Est-ce que le pare-soleil vert transparent avec l'équipe de foot préférée marquée dessus est obligatoire? Merci, c'était la question de Malkavian. Ouais. Voilà, alors donc, la question, c'est combien de temps les routiers passent-ils sur la route et on se retrouve juste après. C'est naze, c'est naze. Attends, c'est tu l'as posé la question. Ah non, on l'a déjà posé. Oh, mais merde derrière. Ouais, mais c'est nul, vous la fermez ou sinon, allez hop, conclusion. Ah non, attends. C'est une question. Tiens-moi tout ça, tout le monde là, parce que ça m'énerve. Gérard, bon, routier c'est un métier dur, on est d'accord. Combien de temps, à votre avis, un routier peut-il exercer dans, le, dans la profession de routier? Voilà. À quel âge, ouais. Ça, c'est une bonne question. Voilà. Et on se retrouve après, on va s'écouter. Roger Puceau avec ma sœur, elle joue du pipeau cul nu. Et voilà, vous venez d'écouter Roger Puceau avec ma sœur, elle joue du pipeau cul nu, et donc il est 2h58, toujours Fun Radio, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0800 08 5000. On est toujours dans le débat des routiers, et la dernière question c'était donc, à votre avis les auditeurs, combien de temps un routier peut-il exercer dans cette profession si belle? Voilà, Tam Tam. Bah déjà, moi je sais pas, mais je pense qu'un routier peut tenir facilement jusqu'à... Bah, les routiers, la retraite, c'est à quel âge, Gérard? Ça, je peux... Non, c'est la question, je crois. Non, mais moi, je te demande, jusqu'à quel âge un routier peut-il continuer de rouler? Routier, bon, un routier, la retraite, ça doit être vers 55 ans. Non. Non, 55 ans, ça c'est les mecs qui travaillent à l'ARTAP. Moi je pense que bon les routiers c'est quand même un métier assez simple parce que tu fais que de la route en balade et tout. Ouais. Je pense que ça devrait travailler jusqu'à peu près 70-75 ans, parce que c'est quand même une profession de feignant. Enfin, ouais, c'est facile. Ouais. Ouais, non mais attends, une profession de feignant, fais-moi confiance. Non mais attends, celui qui vient de dire que c'est une profession de feignant, fais-moi confiance. Dame. Celui qui vient de dire ça, déjà, c'est un con. Ouais. Et un boulot de feignant, c'est pas vrai. Parce qu'il faut dire une chose, que les mecs, faut les voir. On bosse comme des tarés. Ouais. Bon, comme des tarés. Ouais, ben bah, attends, si t'es pas content, Tam Tam... Non mais c'était pas Tam Tam. D'accord, ok, vous bossez 15 heures par jour, mais je trouve que bosser 15 heures par jour, c'est quand même des feignants. Hein? Attends, tu crois que dans les bureaux, ils font 15 heures par jour? Non mais c'est pas des feignants. Attends, ils arrivent. Attends, attends Tam Tam. Moi je vais te répondre à ta question. Le lundi ils arrivent, hop, ils commencent déjà par leur petit café. Stop. Maintenant, Tam Tam, tu vas bien m'écouter. Ouais. Tu vas bien tout ouvrir tes gourdes. Ah, tes oreilles. Ouais, c'est dit qu'ils sont en train de boire. Bon, alors moi je peux te dire une chose. Que déjà, les routiers, ils commencent le dimanche soir à 22h. Ils ont pas le droit de rouler le week-end. Ouais, ils commencent pourquoi dimanche à 22h, c'est pour arrêter le lendemain, le mercredi, pour être... Mon cul, putain. Les routiers, ils commencent à partir de 22h. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit aux autoroutes le lundi CAE, s'il vous plaît. Ouais, mais non, mais le lundi... Oh, Tam Tam. Tam Tam. Oui. Que tu t'écrases, je vais te répondre, moi. Alors déjà, dans les bureaux, ils font pas 55 heures... Non, mais oui, ils commencent à 8h du matin et pas à 22h. Ouais, ah ouais. Et alors, dans ce cas-là, à 8h du matin, le chauffeur, il est déjà sur la route. Bon, on est bien d'accord. Ouais. Alors, à 8h du matin, la nana, elle arrive au bureau, elle dit à son copain, « Oh ouais, mais tu sais, à sa copine, « Oh ouais, mais tu sais, mon mec, il m'a bien baisé et tout. Hein? » Oh. Alors, que les routiers... Que les routiers, attendez s'il vous plaît, que les routiers partent le dimanche soir à 22h, et ils disent au revoir à leurs femmes, ils savent même pas s'ils vont rentrer. Tam Tam, tu te fermes. Tout ça là. Je coupe qui? Enfin. Alors Rigo. Rigo, s'il te plaît. C'est allé trop vite encore. J'ai vraiment pas le temps de lire vu qu'il y a environ 418 connectés. Bon, tu vois, Rigo, je peux t'aider. Vas-y, je t'écoute. C'était qui? C'était, je crois que c'était Snul, je sais plus, il y avait une question intéressante et j'ai pas eu le temps de la voir. C'est pas grave, on va la retrouver. Ouais, allez, frigo, allez, frigo. Oui, je crois que les routiers peuvent conduire jusqu'à l'âge de 50 ans. Ah non, c'est des conneries ça. Bon, attends, je suis d'accord avec eux. Ça, c'est quoi, Coluche et Johnny Hallyday. Ouais, mais attends, j'ai lu un bouquin, moi, sur les routiers. Ouais. Et je peux te dire que dedans, bon, c'est le mec, bon, il disait que les routiers pouvaient rouler jusqu'à l'âge de 50 ans, mais après au-dessus, interdit. Ça dépend. Je pense pas. Ça dépend. Je pense pas, à mon avis. Parce que moi, je peux te dire une chose. C'est bête parce qu'à chaque fois, je vais reparler de Titi. Mais lui, ça fait plus de 22 ans qu'il fait de la route. Son âge, ça vous regarde pas. Rigo. Oui, question internet pour finir, non? Le point commun entre une femme. Allez, conclusion. Avant, j'ai une question internet. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. J'ai une question intéressante sur internet. Pourquoi les hommes éjaculent-ils par saccade? Ah là, j'ai la même, là, tu vois, c'est pas le thème du débat. Parce que Gérard avale par gorgée. Oui, tu me le dégages. Hop là, c'est terminé. On fait la conclusion, là? On fait conclusion parce qu'on arrête. Ouais. Bah moi, ce que je conclue de ce débat, bon, c'est intéressant pour les routiers. Ce que je constate, c'est que bon, vous écoutez que du Johnny et du Coluche, et vous êtes des feignants. Non, mais de toute manière, en plus, c'est un débat à l'improviste qu'on a fait. Hein. Ouais, bah ça c'est bien entendu. On sent que tu connais pas le sujet. Tu nous fais croire que t'as été routier, mais on se le demande. Ouais, alors, je vais te dire une chose. Ouais, tu la diras tout à l'heure. Ouais, ben. Non, c'est pas moi. Non, mais je pense que celui qui s'amuse à faire des conneries comme ça va se calmer. Ouais. Bon, est-ce que t'as été routier pour de vrai ou pas? Oui. Prouve-le. Non, il a été routier sur Internet. Est-ce que tu as glissé sur du verglas, oui ou non? Non. Alors, toi, tu as... Non, sérieusement, est-ce que t'as été routier? Oui. Combien d'années? J'ai fait deux ans de route. Combien de kilomètres t'as fait? 22. Non. J'ai fait plus de 10 000 bornes. Combien de putes? C'est tout? Combien de putes est ta sœur? Ta sœur, elle est en train de se faire enculer, ta sœur. Non, toi, tu dégages. Il n'y a pas de sœur. Allez, hop, terminé pour celui-là. Gérard. Allez, on y va, la conclusion. Allez, vite, Gérard. Allez, hop. Terminé. T'envoies le... Attends, ça coupe. En 2 ans, hein. Comment? 10 000 km en 2 ans, c'est pas beaucoup quand même. Gérard. Oui? T'es un feignant. Ouais, ben, moins que toi, abruti. J'ai ma conclusion. Oui? Alors, je pense que les routiers, ils travaillent dur et ils peuvent conduire encore longtemps. Nous, en tout cas, la route toute la journée. Et on a mis beaucoup de routiers, la photo de toi, Gérard, pour se soutenir, pour essayer d'aller plus vite. Parce que pour nous, t'es un symbole de réussite, quoi, quand même, parce que tu fais de la radio maintenant. On va bien être tous à ta place. Ouais. Ouais, mais de toute manière, faut dire une chose, que grâce aux routiers qui nous écoutent encore à l'heure actuelle, et je sais qu'ils sont nombreux, même les chauffeurs de taxi, tout ça, grâce à ces gens-là, c'est grâce à eux quand même si on peut, même malgré les grèves, qu'on puisse rentrer chez nous avec les chauffeurs de taxi, mais grâce aux routiers, laissez-le finir. Grâce aux routiers, c'est grâce à eux si on mange. Bah non, que les grandes surfaces soient ravitaillées. Si on n'a rien dans les grandes surfaces, on ne peut pas manger. Alors taisez-vous, vous savez pas. Oui, deux secondes sur IRC, je trouve qu'il y a une conclusion intéressante. Si tu es routier, que tu sors en boîte, que tu sais mixer, que tu mets un costard cravate et qu'en plus tu as une CB avec un kit main libre, eh bien ça veut dire que tu deviendras un pote de GG. C'est pas possible. J'applaudis Daz sur l'IRC. De toute manière, sur la CB, c'est quand même aussi grâce... Il y a la CB, avec la CB, on peut savoir pas mal de choses. Mais il faut dire une chose, que à force, la CB, ça commence à devenir rengaine. Parce que sur le canal 19, c'est qu'il y en a qui s'amusent à s'amuser, à nous mettre de la radio constamment, et on peut pas savoir où sont les barrages, ni rien. Donc, alors maintenant, ceux qui s'amusent à faire ça sur la CB, pour moi, c'est des petits cons, c'est des petits branleurs. Alors maintenant, qu'on respecte le métier des routiers et des chauffeurs de taxi et des animateurs radio. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Redemande en tondeur, salut. Vous allez retrouver. Nana, ça y est, c'est fini. Ma conclusion,